Et Monsieur Nadeau-Dubois, qui est le roi, le king de ce que les intellectuels appellent un sophisme, n'est-ce pas? Que moi j'appelle de la grosse Le terme sophisme passe mieux, là, mais... Oui, alors, donc, un sophisme, c'est finalement de jouer avec la vérité, avec la réalité. Oui. Puis ça, est-ce qu'on est surpris? Parce que je pense que depuis le début du conflit étudiant, il a toujours été comme ça. Il n'y a rien de neuf, là, je veux dire. C'est toujours quelqu'un qui a torturé la réalité. Ah, l'histoire des porte-parole est bonne, les histoires des porte-parole. Je ne suis qu'un porte-parole! Je ne suis qu'un porte-parole! Mais le juge, là, il en a sorti une sucrée. Je te lis ça à l'instant. C'est l'article 110 dans la décision. Par ailleurs, le défendeur Gabriel Nadeau-Dubois ne peut se cacher derrière son rôle de porte-parole de la classe. Il ne peut se déresponsabiliser en affirmant qu'il portait simplement le message du groupe qu'il représentait. Ah ouais, c'est comme Monsieur TPS, tu sais, je veux dire, c'est pas de sa faute. Dans le fond, c'est pas de sa faute. C'est jamais de notre faute au Québec. Je suis exaspérée. Et le juge continue, le juge Denis Jean, qui écrit, au contraire, le rôle de porte-parole emporte son lot de responsabilités, parfois même encore plus importantes, en raison de la fonction exercée, dont celle de voir au respect de la loi et des ordonnances des tribunaux. Donc, regarde, c'est une décision, mais là, il s'en va en appel, OK? Il s'en va en appel. As-tu pogné ça, son point de presse, Lise, ce matin? Rapidement, oui, j'ai entendu Il ramasse de l'argent, là, des individus. Des individus et des organismes. Oui, et des organisations. Il l'a bien mentionné. Donc, inquiétez-vous pas, là, la CSN va donner, là. Oui. Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes syndiqué à la CSN, là, présentement, là, attendez-vous à ce qu'une partie de votre contribution syndicale aille à payer les frais de M. Nadeau-Dubois. Oui, mais ça, c'est ce qu'ils veulent tous, non? C'est pas. Moi, je pensais que tous les membres votaient toujours pour ces affaires-là. Écoute, je suis pas une syndicaliste, mais j'en doute. Je suis bien naïf. Moi, je pense que, écoute, je n'ai pas d'expérience là-dedans, mais je viens d'un milieu ouvrier, puis me semble que c'est pas de même que ça se passe. As-tu vu hier les manifs à Montréal? L'expression de Jean-Claude est savoureuse, ils ont l'indignation mal placée. Ça fait deux semaines qu'on entend toutes sortes d'histoires concernant la ville de Montréal, et là, allant même jusqu'à pousser l'odieux, de proposer une hausse de taxes de plus de 3%. Personne dans les rues. Gabriel Nadeau-Dubois est coupable. Ah là, regarde, ça descend avec les casseroles. Les casseroles, il y en a 4-5 des casseroles qui descendent dans les rues. Qu'est-ce qui se passe? Mais ça, on est bon là-dedans aussi. L'histoire là, des ozos là, sur la rue Saint-Denis à Montréal là, qui manifestent contre des chaussures faites en Israël. Ben, j'étais là quelques semaines, je suis allée leur poser la question, pourquoi vous manifestez pas contre la guerre en Syrie où il y a des milliers de personnes qui se font tuer? Très bon. Ah non, c'est bien pire en Israël. Alors là, c'est exactement la même chose. Ce qui arrive à Gabriel Nadeau-Dubois est infiniment pire que toutes les révélations de la Commission Charbonneau. Voyons donc. Ça, c'est de l'injustice à l'état pur. Ah ben absolument. Puis j'écoutais tantôt des avocats de Jury Pop, là, la clinique Jury Pop, et ils vont très loin. Pour eux, c'est une question, puis Nadeau-Dubois l'a dit aussi, c'est une question de liberté individuelle et c'est une question de liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est garantie dans la décision, Lise. Il l'a dit à plusieurs reprises, le juge, qu'il peut être en désaccord. On peut être en désaccord contre un ordre de la Cour. On peut exprimer un désaccord. Oui, là n'est pas le point. C'est parfait. Oui, on peut manifester dans les rues encore. Non, mais c'est parce que ce matin, Gabriel, lors de son point de presse, dit là, on a peur que les gens aient peur de s'exprimer. Moi, je m'exprime 5 jours par semaine, toute l'année. J'ai pas trop peur. Par contre, j'ai peut-être peur de dire aux gens, respectez pas les limites de vitesse, c'est pas important. Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, il y a une limite là entre s'exprimer, exprimer un désaccord et inciter les gens à ne pas respecter les lois. Il y a une marge. Il y a une maudite marge. Je me souviens des trois leaders syndicaux, il y a quoi, 20, 25 ans, qui avaient fait de la prison pour outrage au tribunal. Mais sais-tu quoi? Ils avaient pris la décision, ils étaient pas contents, ils sont rentrés en prison, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis... Je veux dire, on n'était pas là dans cette espèce d'univers alternatif où ce qui s'est passé, les gens disent qu'ils l'ont pas fait. Là, c'est, mais ça fait partie, ça fait partie d'un certain déclin moral que certains d'entre nous observons depuis quelque temps, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument. Hein? Puis je veux souligner quand même la responsabilité de Léo Bureau-Blouin, tu sais, qui a quand même dit à RDI dans la même maudite entrevue, et je le cite, c'est sûr que nous, on a invité les étudiants, par exemple, à respecter les injonctions. Ben oui. Quand il y a des ordres de cours précis de la cour pour ne pas bloquer le passage à certains étudiants, ça, je pense que c'est important qu'on les respecte. Mais Léo, Léo, ben Léo a toujours été très, très démocrate et très, très prudent dans ses propos. Exact. Oui. Moi, j'ai jamais eu de problème avec Léo. On n'est pas d'accord sur à peu près rien. Non, non, non. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'honorable chez ce jeune homme. Oui. Ce que je ne vois absolument pas chez Gabriel Nadeau-Dubois qui marche à l'ego, à son image, à son statut de vedette et qui l'exploite pour ses fins personnelles. Parce que c'est la raison pour laquelle des gens vont y envoyer de l'argent. Là. Pense-tu que c'est pour défendre la démocratie et la liberté d'expression au Québec? Ben non. Ben voyons donc, c'est pour aider le beau petit Gabriel Nadeau-Dubois qui est tellement cute. Dernière question, est-ce qu'il devrait aller en prison? Je pense pas. Une amende qui sera payée par la CSN, pas mieux, là. Ouais, mais tu sais, c'est quand même... Non, je l'enverrai pas en prison, sérieusement. Je pense que si on l'envoyait en prison, on fait un cas d'espèce, parce que... On va le transformer en martyr, encore une fois. Si moi, j'étais accusée de la même chose et trouvée coupable, on m'enverrait pas en prison, première offense, etc., etc. Donc, il faut pas non plus en faire un martyr. Moi, je pense que oui. Je pense que tu as raison. Hey, merci beaucoup, Lise. Bon week-end. Ça fait plaisir. Bon week-end à vous. Salut.